Depuis qu'un soir, dans un coin de France, j'ai vu dans l'ombre vos grands yeux immenses. Mon cœur est plein de folles espérances. Je pense à vous, le jour et la nuit. Mais notre langue n'est pas la même. Et pour vous dire que je vous aime, beau poème que cette phrase de mon pays. Electro, yeah. Banni en guise de chaîne, cela signifie vous êtes pour moi plus que la vie. Banni en guise de chaîne veut dire en amour, chérie, je suis à vous pour toujours. J'aurais voulu pourtant vous lire tout le temps en français. C'est le cœur bat sans bruit, c'est en vain que j'essaie. Si vous comprenez, by me, Ruiz de chaîne, alors dites-moi que vous m'aimez. Yeah.